Excellence de Marie et son culte, suivi d'instructions familières sur le Magnificat, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, passionniste. Traduit de l'italien par Effigie Labis, Casterman, 1856, volume 2, troisième partie, instruction pour les principales fêtes de la très sainte Vierge. Markem Danarchivorg, d'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique. Prologue. J'ai annoncé dans la préface de cet ouvrage une série d'instructions sur les principales fêtes de la très sainte Vierge. J'en viens enfin à l'exécution de ma promesse, que, par défaut de temps et de livres à consulter, j'ai dû suspendre l'espace de 12 ans environ. J'espère que les pieux fidèles qui me liront seront aussi avides d'érudition que désireux d'allumer dans leur cœur l'amour de Marie, notre bonne mère, et de nourrir la sainte ardeur de lui plaire de plus en plus par la pratique des vertus chrétiennes. Tel est en effet le but de ce travail. Les instructions qu'on va lire seront simples, claires et faciles, laissant de côté les spéculations profondes et subtiles sur les prérogatives et les gloires de Marie. Je traiterai plus utilement de ses vertus et de la manière de les imiter. On trouvera donc ici plutôt des instructions morales qu'autre chose. Je ne veux pas cependant me lier les mains au point que s'il s'offrait une occasion de parler encore de quelques privilèges singuliers de Marie, je ne puisse le faire, je le ferai, mais avec la plus grande précision possible, et toute la simplicité chrétienne et évangélique quant à la forme et au style que comportera le sujet dont j'aurai à traiter. N'aimons pas tant les fleurs du discours et les phrases recherchées, que la substance des fruits d'un amour filial envers Marie, et d'une imitation fidèle de ses sublimes vertus. Voilà tout ce que cette aimable mère désire trouver dans ses enfants, voilà tout ce que Dieu même désire, voilà aussi ce que nous devons rechercher. Laissons donc à d'autres les fleurs de l'éloquence mondaine, pour nous, ne cherchons que le pain de la vraie dévotion à Marie. Narcisse, rose, lys, merci pour les fleurs, mais le pain est préféré. Confère Saint Chrysole. Je n'écris pas pour la chair, ni pour flatter les oreilles délicates d'auditeurs oisifs. J'écris en faveur de celui qui daignera jeter un regard sur ces pages, tâchant de fournir un aliment utile à ses lectures ou à ses méditations, spécialement à l'occasion de tant de fêtes que l'Église célèbre en l'honneur de la très sainte Vierge. Si cependant quelqu'un voulait s'en servir en chair, je ne le trouverais pas mauvais, au contraire je verrais avec plaisir, qu'abandonnant l'usage de déclamer des discours aussi inutiles que recherchés et sublimes, on annonça la vérité au peuple de manière à lui procurer, sinon autant d'admiration pour l'éloquent orateur, du moins beaucoup plus d'édification et de profit spirituel, ce que je souhaite sincèrement à tous. Voici quelle sera la suite de ces instructions. Je placerai toutes les fêtes qui ont rapport aux principaux mystères de la vie de la très sainte Vierge sur la terre, dans l'ordre naturel, non des jours où l'Église célèbre ses fêtes, mais selon lequel les mystères se sont opérés. Ensuite je placerai, selon l'ordre des jours où elles se célèbrent, les fêtes qui n'ont aucun rapport spécial avec quelques circonstances particulières de la vie que la très sainte Vierge a menée sur la terre. C'est à vous maintenant que je m'adresse, ô ma très douce mère, je vous offre le reste de la petite offrande que je vous fis autrefois, et, prosternée à vos genoux, je vous demande pardon de mon retard à y mettre la dernière main. Toutefois, je pose cette condition, que, De même que je me prépare à accomplir la promesse que je vous ai faite, ainsi vous déploierez enfin la puissance de votre bras pour exécuter et mener à bonne fin un dessein que vous savez, et dont j'attends de vous la réalisation depuis tant d'années. Ma mère, ne serait-il pas honteux qu'un de vos enfants fût plus ponctuel que vous à remplir ses engagements? À que jamais on entend de choses semblables? Je prévois bien ce que vous allez me répondre, c'est que je n'ai pas été aussi fidèle qu'il fallait à toutes les autres promesses que j'ai faites, et que je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais que dois-je dire à tout cela? Je n'ai rien à faire qu'à m'humilier en votre présence, et confesser mon infidélité. Du reste, si je ne suis pas tel que vous me voulez, pourquoi donc ne pas me rendre tel? Manqueriez-vous de moyens pour y réussir? Vous avez tant fait quand j'aurais voulu que vous ne fissiez rien, et maintenant vous ne pouvez exécuter ce que je désire, aussi bien que vous, devoir exécuter en moi. Vous me direz que mon cœur est dur, qu'il résiste à vos sollicitations maternelles, eh bien, s'il en est ainsi, voici que j'abandonne mon cœur entre vos mains maternelles, s'il est facile, travaillez-le à votre gré, s'il est dur, songez à l'amollir, s'il est mal disposé, disposez-le comme il vous plaît, faites-en ce que bon vous semble, employez, si vous le voulez, le fer, le feu, le marteau, tout en un mot, pour moi, je me laisse façonner à votre gré, et je ne sais si je pourrais faire davantage. Si vous attendez que je travaille moi-même, vous attendrez longtemps encore, et vous attendrez en vain. Qui jamais a appris l'art de travailler les cœurs, ô vous qui le connaissez si bien, veuillez l'exercer. Vous me direz qu'un tel travail demande du temps. Oh, serait-il possible qu'il fallût tant de temps? Il y a près de 35 ans que vous avez mon cœur entre les mains, et cela ne suffit pas? Mais si vous me l'avez repris, si vous me l'avez arraché des mains, et pourquoi vous l'êtes-vous laissé arracher? Pourquoi ne l'avez-vous pas tenu plus fortement enchaîné? Apprenez à le connaître à vos dépens. Si vous ne voulez pas qu'il vous échappe de nouveau, serrez-le plus étroitement, liez-le, enchaînez-le comme il vous plaît, qui osera s'y opposer? C'en est assez, je verrai ce que vous allez faire à l'avenir, et dans l'attente d'un heureux succès, je me dis, votre très indigne enfant, Dominique de la Mère de Dieu.